organisé, la foi sur la matrice. Très organisé, te demande pas qui c'est. Je vois beaucoup de frérots qui partent, emportés par la guitare. On se réveille, on se couche tard, on se retrouve dans des histoires. Maltraités par la hukouma, comme des hayawen, revendant des chutes de schnouf. Et des cigarettes, le monde veut se faire des coups de pota. Que des hakayettes, restez solides comme un brinque. Faut pas se monter la tête. C'est pas parce qu'on dit rien qu'il y aura pas de conséquences. Quand les chats sont pas là, aucune souris danse. Je serai traité de fou par ceux qui veulent manipuler. Baby, mon cœur est noir, je ne cherche qu'à copuler. J'ai survécu à beaucoup d'empêtes, ça c'est rien, c'est des gouttes de pluie. C'est souvent celui qui déclare la guerre que quand ça sent pas bon, il fuit. L'argent, la femme que tu veux, la galère, celle qu'il te faut. Les petits fument des gros, c'était s'attendre. Rien que ça sent que le cerveau. J'ai des rêves à réaliser. Dans une ville où tout le monde est armé, ôter une vie ça revient à prendre des tocs. Jusqu'où on pourra aller avec nos têtes cramées. Même ma mère reconnaît pas son fils dans l'état. J'fais des cauchemars où j'les pardonne tout. C'est des rêves de vendetta. J'fuis des atrocités, ça m'a pas coupé le souffle. En échange j'ai ces souvenirs dans la tête. Face à la mort je suis qu'un mec banal. À quoi servent mes émotions et mes états d'âme. Il fait beau sur le T-Max avec madame. Sur la corniche très loin de la tour Eiffel Paname. Ah ah ah ah, très loin de la tour Eiffel Paname. Ah ah ah ah, sur la corniche très loin de la tour Eiffel Paname. On dirait qu'on nous a castré l'âme, les émotions sont cassées là, on crache les flammes, on cache les larmes. Dehors c'est le désert, à l'intérieur c'est l'Écosse. Wake up par le vroom des crosses, électrique comme au bout d'Écosse. Askip ils ont mon aim en repeat, ça me cherche comme les couilles à Brigitte. À la base je voulais un business legit et rester en vie comme les Bee Gees. Tous les matins je suis plein de bonne volonté, mes démons les slaloms comme à l'époque des chasses à l'homme. J'ai tout dans le catalogue, allé sur Calelong, toujours les mêmes débats avec mes calalaos. Pendant que les envieux font la queue le temps, jusqu'au dernier sommeil, mentalité witty. Une pensée pour la vague qui suit, SO le J, SO tous ceux qui poussent pour la quête. Tous ceux qui bougent la tête, tous ceux qui struggle, qui font avec. Tu donnes des salades, à t'en rendre malade. En GL je zone, là je passe par les escalades. J'respecte tout le monde, moi j'ai jamais fait le gros. En DP sur la moto, je suis cramé. Et ma jolie elle veut que tu passes l'anneau. Mais je suis bloqué au studio toute l'année. Ne dis rien, je sais tout. On va plus se calculer. Chacun sa vie après tout. Moi personne n'y va manipuler. Mon but c'est de donner et de faire le bien. Et oui mon sang parce qu'on a qu'une seule vie. Dans les problèmes je t'ai pas vu me tendre la main. Après tu me demandes pour les gens des elfes. Le attiré par les talons. Le gym est pas de guetteur si y a les bleus décalent. La tenue fout le plaque, mitraille à tout détale. T'es sous recharge à 13 balles et tout ça en détail. Et l'hiver dans le blanc qui caille, l'été ça revend les cailles. Dans les quartiers c'est la muerte qui fait vivre les bails. On vient de là où faut la maille. Entre qui fait des chattes, c'est mentalité 13. Organisé dans les chartes, on arrive focus à les cartes sec. Envoie-moi les cartes zinc, j'ai les deux pieds dans le jeu. J'fais plaisir aux tartelles, j'distribue les tartes, ouais. Écoutez dans les cartels, c'est Marseille, le gros se donne par tel. J'écoute les guitares chanter a cappella. Faut te le rappeler, on fait pas de pop, on fait pas d'opéra. Ils sont apeurés, tu connais ma manière d'opérer. J'les vois comme à l'apéro, gros j'ai capéra. Venu faire des sommes astronomiques, ils font trop les mecs. Mais pas devant nous, ils savent qu'on les nique. Je l'attrape par la tignée astrologique. Elle me dit qu'elle est vierge, mais c'est juste son signe astrologique. Grandi dans un milieu peu habitable, qu'il faut éviter en bas sa charque, là la abidale. Elle a le flow à vide d'elle, elle sait que j'ai envie d'elle. J'aime pas la voir pleurer, sauf quand je suis dans le fond de ses amygdales. C'est la misère au bord de l'eau. Je regarde le ciel derrière les barbelés. Je vais les marteler avant que je me barre de là. Moi je suis du 3, je suis pas bordelais. Ah des loups, j'ai grandi avec des loups. C'est vrai qu'on a des âmes, mais on ne viendra pas nous-mêmes. Pas nous-mêmes, non, non. Dans ma cave, j'ai des affaires qui viennent d'Italie. Pour un classique, mon fond est écrit en Italie. Ni vu ni connu, je peux t'emmener du Toshikali. Tu peux me voir avec le petit ref quand t'es max rue d'Italie. Là, je peux plus me confier, je peux braquer jamais mendier. Même vide est toujours entier, je suis jamais loin du sentier. Faut faire du bif sa mère en digital, en pièce et en billet. On fait affaire, poteau, je revérifie, voici le comptier. Je vais les traumatiser, très organisé. Tu vois ce mec qui tient cette affaire, je l'ai dévalisé. Les rappeurs c'est des acteurs, faut les oscariser. La frappe c'est par ici, y'a tout qui est arrivé. On a des loups, j'ai grandi avec des loups. Et c'est vrai qu'on a des âmes, mais on ne viendra pas nous-mêmes. Pas nous-mêmes. On a des loups, j'ai grandi avec des loups. Et c'est vrai qu'on a des âmes, mais on ne viendra pas nous-mêmes. Pas nous-mêmes, non, non. La rue te prend, la rue te guide, te baigne dans l'illicite. La rue te prend, là où t'habites, la rue te félicite. Quand tu filmes ton premier terre, quand tu bois ton premier flash. Quand tu vends ton premier paquet de mâches. Tu fais des sous, des sommes, c'est que feuille un peu de shit. En pégérine, tu zones sur le vieux port à la recherche d'une chienne. À la maison, c'est dur, petit frère veut faire des tubes, pas de belles études. La semaine, il guette, week-end, arrache des chaînes. Bébé, bébé, je suis dans des endroits chics, mais je fais pas la fête, je ménage la belle shit. Elle veut me donner sa châle, je la calcule pas. J'ai mis les gants, la cagoule sur le deck, le calibre sous la taille. Y'a les decks, en 2-2, je me taille, faut pas tomber en panne.